Je connais nos galères et les problèmes. J'ai connu la galère et les problèmes. C'est là où tu vois vraiment qui t'aime. Non, toi tu m'aimais pas, tu m'as lâché pour une pute. En plus, tout le monde essaie de trahir elle. Va falloir te ramasser à la truelle. Le monde est cruel. Pourquoi tu l'as cru elle? Elle t'a tout niqué, c'est réel. Me fais pas de sous, me gonfle pas le torse. H24 au studio, en ce moment je torse. Je remercie mon équipe, ils me donnent de la force. Tu vois les vrais comme tes choses se corsent. Et tout ça en tol, que personne n'est pas la raison. Ou à tort, on finira en pôle. On pète la forme, on est formé formel. Tu m'entends dans les hommes, dans la zone jusqu'au front de mer. Tout ça me saoule, fais péter les packs. Bientôt dans les bacs, que je débarque et je claque. J'attaque, je tacle, je tape et je taquine. Pendant que tu tapes, une état, état, l'état. Tout ça me saoule. Tout ça me saoule. Tout ça me saoule. Tout ça me saoule. Ce rap me rend fou. Laissez-moi, je vais chanter. Je regarde les étoiles, je remarque que tout a changé. Je suis pas sur la lune, je suis juste sur Mars à côté. Marseille c'est ma ville, je vais droit au but comme censé. Poster l'étage avec l'équipe de winner. Nous on n'est pas des losers, tous les jours on innove. Il m'en faut des love, mais toi tu veux des mauvais. Ok j'avais compris. Mamacita je vais te combler. Chaque erreur a son prix. Ce soir on est ensemble et demain on s'oublie. Ok laissez-moi chanter sur du Shaoui. J'ai pas la prétention de faire des manières à oui. Ok j'ai l'intention de tout niquer cette année. Moi n'en me parlez pas de voix, même si je les ai chalés. Quand je calais, que j'avais pas canné. Quand j'étais en galère avec mon frère au palais. Quand t'as pas de salaire, ils te font des manières. Ils te font des manies, mais ça tient les manières. Tout ça me saoule. Tout ça me saoule. Tout ça me saoule. Tout ça me saoule. Ce rap me rend fou. Laissez-moi, je vais chanter. Je regarde les étoiles, je remarque que tout a changé. Je suis pas sur la lune, je suis juste sur Mars à côté. Marseille c'est ma ville, je vais droit au but comme ça c'est. Ce rap me rend fou, laissez-moi je vais chanter. Je regarde les étoiles, je remarque que tout a changé. Je suis pas sur la lune, je suis juste sur Mars à côté. Marseille c'est ma ville, je vais droit au but comme ça c'est. Ce rap me rend fou. Laissez-moi, je vais chanter. Je regarde les étoiles, je remarque que tout a changé. Je suis pas sur la lune, je suis juste sur Mars à côté. Marseille, c'est moi.